1 Pierre chapitre 5. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être révélée, et je leur dis. Paissez le troupeau de Christ, qui vous est commis, en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais volontairement, non point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Et non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et ayant tous de la soumission l'un pour l'autre, soyez parés d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps, lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. Soyez sobres, éveillés, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent en la compagnie de vos frères, qui sont dans le monde. Or, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende accompli, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui soit la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Je vous ai écrit brièvement par Sylvain, que je regarde comme un frère fidèle, vous déclarant et vous protestant, que la grâce de Dieu dans laquelle vous êtes, est la véritable. L'Église qui est à Babylone, élue avec vous, et Marc, mon fils, vous salue. Saluez-vous l'un l'autre par un baiser de charité. Que la paix soit à vous tous, qui êtes en Jésus-Christ. Amen.